L'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun a inséré sur l'Internet les écrits en l'honneur des dirigeants suprêmes Kim Jong-un, notamment « dirigeants vénérés du peuple ». L'auteur y a indiqué « Le camarade Kim Jong-un garde toujours dans son cœur la mort pour le peuple. Continuant loyalement la politique de privilège, de respect et d'amour du peuple du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il qu'ils ont pratiqué pendant toute leur vie, il conduit énergiquement la Corée de Sun Gun en miracle et changement. » Long Page a aussi expliqué le respect des Sud-Coréens envers le dirigeant suprême et soutenu l'œuvre du peuple coréen pour ouvrir l'âge d'or dans le mouvement pan-national pour la réunification du pays, suivant le message de Nouvel An du dirigeant suprême.